19. Une lettre pour Marianne. Le soir, je portais les roses que Marianne avait oubliées. Je les posais sans affectation devant elle, sur une chaise où son ouvrage de broderie était placé. « Merci, Léonard, » dit-elle d'une voix. « Quoi ?» D'une voix aimée, ainsi de la plus ravissante au cœur qui a souffert. « Qui est-ce qui ne sait pas cela ?» Il n'y a pas de doute que c'est Dieu qui parle là-dedans. « Que c'est vrai, mon oncle, » interrompit Ondine, qui ne perdait pas une parole. « Ah, bien vrai, ma pauvre enfant, bien triste aussi, quand c'est pour faire semblant, quand c'est pour retomber après dans un silence de mort, enfin. « Voyez ma mère comme les roses de Léonard sont belles, » disait-elle à sa mère, en les lui donnant pour les mettre dans l'eau. Car cette bonne et simple femme s'occupait de tous les soins d'intérieur qu'elle pouvait épargner à sa Marianne. « C'est vrai, » répondit Madame Élie, « elles sont grosses comme des choux-fleurs. » C'est qu'il ne vient pas autre chose dans son jardin, ma mère. Elles prennent tout, la rosée, le soleil, l'air et le suc de la terre. Oui, tout, dis-je en me promenant par la chambre. C'est comme un cœur qui n'est distrait par rien, ni par la gloire, ni par l'ambition. Il prend toutes les substances de la vie. Il croît et se gonfle à rompre la poitrine. Je sentis à temps que j'allais parler trop. Je pris de la lumière et je leur donnai vivement le bonsoir. Quel loup-garou, dit Madame Élie. Qu'est-ce que c'est aussi la peinture qui lui perd l'esprit? On ne peut plus l'avoir. On devrait bien brûler toutes ces inventions de chevalet qui les fatiguent à mourir. J'appelle tout cela, moi, des solitudes impardonnables. J'entendais cette digne veuve en gagnant ma chambre intimement attachée à celle de Marianne. Je regardais en passant ces deux portes avec une douleur résignée et tendre. Voilà, pensais-je, une image assez vraie de notre destinée. Ces deux chambres se tiennent, on dirait, sous le bras. Elles s'appuient l'une contre l'autre, toutes deux simples et pareilles à l'extérieur, au dedans peut-être. Nous souffrons tous deux du même mal, et sans retour, car elle est bien faiblement aimée, pauvre Marianne. Pauvre chambre séparée par un froid et impénétrable obstacle. Elles seront toujours, toujours fermées l'une à l'autre. Je voudrais mourir dans cette chambre. Où serais-je jamais mieux pour mourir qu'auprès de la sienne ? Il me prit envie de redescendre, pour lui jurer que j'étais le plus heureux des hommes. Mais je n'osais pas, et je fis bien, car deux mois après, tout était bouleversé dans l'une, et j'étais à peu près mort dans l'autre. Je rentrai un soir, n'ayant commencé à marcher lentement qu'au tournant de la rue des Chapelets, car c'était toujours là que je m'apercevais que j'étais hors d'haleine. Je ne vis pas Marianne, travaillant à la lampe comme tous les soirs. Mes yeux la nommaient peut-être, car sa mère, vigilante et sage, mais qui eût été au milieu d'un bataillon d'amants, sans en deviner un, me dit bonsoir comme à l'ordinaire, et puis « Marianne est couchée, elle est un peu malade, elle est folle avec son Delange, car je suis sûr qu'il y a du Delange là-dessous. Si j'étais d'elle, je resterais fille une fois pour toutes, Jésus-Maria. Que cet enfant-là est faible, on dirait qu'elle n'est pas de mon sang. » Pour le mariage, s'entend. Ce n'est pas déjà si beau. Tenez, Léonard, il n'y a que nous de raisonnable. Vous ne pensez pas à l'amour, vous. Et vous faites bien, comme s'il n'y avait pas assez de choses à faire dans le monde. On ne sait où donner de la tête pour arriver à bon port, avec la grâce de Dieu. Elle s'agitait en effet doucement, remettant en ordre chaque chose, passait devant la chaise déserte de Marianne, à qui elle adressa ses réflexions et ses remontrances. Attisait le feu qui n'allait pas ce soir-là, ni la lampe, ni rien. Elle profita quelque temps de mon silence soumis pour me faire entrer avec elle dans tous les détails du ménage, se contentant d'un signe de tête que je plaçais de loin en loin, en forme de réponse. Elle m'aurait tué que je n'aurais pu lui en donner davantage. Tout en parlant néanmoins, elle finit par placer devant moi ma lumière pour me faire ressouvenir d'aller me coucher. Je montais moins paisible que ne le supposait cette calme veuve. Il était assez tard, je ne sais quelle agitation, comme dans un arbre qui frémit à l'approche de l'orage, m'empêchait de songer à gagner mon lit. J'écoutais souffrir Marianne, et le sommeil était à Rome. Il y a des soirs où rien ne se ressemble, dans les lieux que nous habitons, mes meubles aussi vieux que la rue, qui remplissaient patiemment chacun leur humble destination, semblaient jouer comme du bois neuf. Je le crus du moins à des bruits légers qui troublaient seul le silence profond de ma solitude. Une tête de mort clouée contre la muraille, la même que vous dessiniez une fois et qui servait de piédestal à un Christ de Madame Élie, me fit le singulier effet de bouger. Marianne a raison, dis-je, je suis fou. J'allais droit à la tête pour m'en convaincre. Elle bougeait cependant, et je sentis en moi-même ce qui ressemblait furieusement à de la poltronnerie. Car ne m'expliquant pas du tout la cause de ce balancement assez effroyable, j'y portai la main, avec ce que je voudrais nommer de l'intrépidité, mais qui n'était qu'une belle et bonne terreur, dont j'aurais eu honte toute ma vie, si une souris qui s'élança sur mon épaule ne se fût chargée de me prouver que je n'étais pas tout à fait dans mon tort. Elle regagna son trou, et je retombai dans mon immobilité rêveuse. J'avais les yeux fixés tantôt sur une petite pendule monotone qui me tenait compagnie, tantôt sur ma lumière vacillante, et j'y lisais dans un flocon de la mèche fortement enflammée « Nouvelle, superstition de nos pays ». Je crus me tromper en entendant frapper à ma chambre. Ce fut presque au hasard que je dis « Entrez », car je n'ôtais jamais ma clé dans cette paisible maison. Marianne entra, se posa droite devant moi, contre ma commode. Il n'y avait aucun désordre dans son ajustement, mais elle était très pâle, et elle avait beaucoup pleuré. Sa voix éteinte me le fit croire. Et puis quelqu'un qui souffre voit vite au fond des traits d'un camarade d'infortune. Je lus donc une grande douleur sur les joues blanches de ma belle voisine. « Asseyez-vous, lui dis-je. » Elle s'assit. Elle me regarda du regard le plus fatal, du regard que ses yeux noirs seuls pouvaient lancer sur mon âme à travers la nuit, et ses pleurs. Ensuite elle cacha sa figure sous ses mains. Je n'osais respirer. Je sentais que c'était là une heure solennelle, et que je touchais au plus grand de mes malheurs. C'était tout simple, elle avait l'air au désespoir. « Je suis morte, Léonard, me dit-elle. Si vous n'étiez pas malheureux, je ne serais pas venue à vous. Ils ne me comprendraient pas, les autres, mais vous, pauvre Léonard, qui aimez sans espérance, vous pleurerez avec moi. Je ne me fis pas prier, je vous jure, en voyant les ruisseaux de larmes qui noyaient sa chère figure. Je sentis mon cœur s'ouvrir et se fondre. « Vous ne savez pas qu'il se marie, n'est-ce pas, Léonard? Vous ne l'auriez pas deviné, vous. » Mais voici la lettre de ma sœur. Oh, elle est bien de ma sœur. Il va se marier dans 8 jours. Moi, Léonard, je pars cette nuit à 5 heures. Vous me conduirez. Vous fermerez doucement la porte de la rue. Je vous donnerai la clé. Vous rentrerez doucement. Demain, quand on montera à ma chambre, qu'elle sera vide. Que ma mère criera, vous lui direz tout. Vous lui direz qu'il l'a fallu, que j'ai bien fait, que je vais me marier, que c'est écrit au ciel, comme dans cette promesse de sa main, et... Si je me trompe, Léonard, vous consolerez ma mère, car dans 8 jours, tout sera dit pour moi. J'étais à mon tour contre ma commode, où j'avais pris sa place, et la chambre, la pendule, la tête de mort, la lumière et Marianne tournaient devant mes yeux avec une incroyable vitesse. J'allais tomber sans doute, mais je ne tombais pas, car Marianne me retint en se jetant dans mes bras, se roulant sur mon cœur, criant d'une voix étouffée, « me trahir, mais ce n'est pas permis. Il m'a dit de l'attendre, je l'attends, vivant ou mort, Léonard. Je l'aurais attendu, vous en êtes témoin. Il me croit peut-être morte, lui. Mais c'est égal, c'est écrit au ciel. Il le sait bien lui-même, nous l'avons dit 1000 fois. Et ne le dit-on pas quand on s'embrasse devant Dieu seul ?« Miséricorde, Léonard, dit-elle, par réflexion, tristement appuyée sur la chaise. Miséricorde, Léonard, que cela fait de mal d'aimer. » Je le savais bien. Elle voyait que je n'avais plus à apprendre ce mal-là. Nous nous regardâmes tous deux dans une communauté de douleurs qui ne se devait rien. C'était de compassion l'un pour l'autre. Aussi nous eûmes honte de crier nos souffrances, car nos yeux y lisaient avec une pénétrante sagacité et semblaient dire « Oui, tu souffres beaucoup ». Une question m'échappa pourtant. Ce fut la seule. Elle intéressait son repos. « Sait-il que je vous aime tant, Marianne ?»« Il ne s'en doute pas, Léonard, répondit-elle avec ce ton d'innocence qui eût fait étrangler son trahisseur. Puisque je l'aime, lui, c'est comme si votre amour n'existait pas. Pourquoi donc n'en aurais-je parlé ?»« Ne vous couchez pas, poursuivit-elle en me quittant. Je n'ai pas peur que vous dormiez, mais on est si abattu quand on est malheureux. Et nous n'avons que 4 heures pour gagner le faubourg, où je monterai dans la voiture. » Je fis un signe d'acquiescement. Elle sortit. Ah, qu'il aurait bien voulu peut-être apprendre que j'étais tombé dans cette chaîne qu'il avait tendue devant ma vie. Que d'idées confuses me revinrent. Oui, c'était affreux de la trahir, de m'avoir laissé là, seul. Je serrai fortement ma main contre mes yeux. On eût dit que ma main devenait lumineuse et que j'y lisais tout le passé. Je me sentais mourir. Marianne rentra prendre pour elle mon flambeau de travail. Elle m'apportait sa petite lampe de nuit. Nous échangeâmes nos pâles clartés qui tremblaient. Je l'entrevoyais à travers des lueurs si sombres. Qu'elle y était belle, mon Dieu, et je ne devais plus la revoir. Soyez sûre, Ondine, qu'on ne meurt pas de tristesse. Je l'entendis longtemps marcher, se préparer sans doute des vêtements. Après, je n'entendis plus rien. Je tombai dans une stupeur et un engourdissement complet. Des rêves noirs comme la nuit me battaient leurs ailes sur le visage. J'avais froid et j'étais lourd comme un homme de plomb. Je lus cette lettre qu'elle m'avait donnée, de sa sœur mariée à Paris. Une écriture informe, d'autant plus illisible que la lettre était toute trempée de larmes. Mais c'était vrai, j'en lus assez pour deviner ce que je pressentais depuis longtemps, que son fiancé, guéri d'un rêve pur, en réalisait un autre plus brillant. Il allait épouser la fille d'un général. C'est ainsi que devait finir leur amour d'enfance à eux, respiré avec les premières fleurs de la vie, éprouvé par l'absence qui l'augmente, dit-on. Ah, c'était impossible, en effet. La pensée ne me vint pas de la détourner de ce voyage. Elle le disait elle-même, c'était écrit. Allez parler à une femme amoureuse qui garde depuis 12 ans une promesse de mariage sur son cœur. C'eût été d'un fou. Je ne l'étais que pour me déchirer moi-même et la conduire à sa destinée, puisqu'elle m'avait choisi pour ce devoir. Moi, j'avais déjà perdu ma vie uniforme et belle. Belle parce qu'elle était innocente, bercée au fond d'une ignorance angélique qui me donnait un incroyable désir d'immortalité, parce que c'était ainsi que je la souhaitais, Marianne, à quelques pas de moi, respirant dans toutes mes heures, moi les lui donnant à boire sans lui dire « Prenez, ceci est mon sang, ceci est ma vie », lui apportant mes roses, lui donnant mon voyage de Rome, mes tableaux imaginaires et ma gloire en amour. N'était-ce pas cela que je venais de faire depuis 2 ans? Hélas, elle n'avait eu que cela, parce que je n'avais pas d'autre trésor. « Allons, dit-elle en me prenant par le bras et m'entraînant dans l'ombre, après avoir soufflé sur sa lumière, comme sur ma dernière espérance. Ce fut elle en ce moment qui me soutint. Nous nous trouvâmes dans la rue, sans avoir entendu nous-mêmes les verrous que nous venions d'ouvrir. Quand nous fûmes proches au bout de cette rue chère et profonde, qu'elle avait peuplée si longtemps pour moi de la foule des anges et des fées, auxquels elle croyait de toute son âme, le cri lamentable d'un chien perdu jeta dans l'air une terreur qui l'atteignit à l'âme. Elle s'arrêta, mit sa tête sur mon épaule et pleura. Puis, se retournant tout à coup, comme par un ressort violent, elle s'écria, sans le savoir elle-même, « Ma mère, ah, ma mère !» Son voile flottait au vent, ses cheveux tombaient de dessous les dentelles qui me cachaient son doux visage. Le cœur me revint et me battit encore. Un rayon traversa ma nuit. Je crus qu'elle allait retourner. Je fis un pas pour rentrer dans la rue dont nous allions sortir, avec une anxiété qui faisait trembler mes genoux. Elle me comprit, n'ajouta pas un mot, et se mit à courir en avant, m'entraînant par la main avec une autorité qui semblait me dire ce qu'elle se disait sans doute à elle-même. « Allons, puisque tu m'aimes, souffre !» Et je lui obéis. Je devins son complice, son guide, sans résistance, avec une abnégation impassible du présent, de l'avenir. D'ailleurs, y en avait-il pour moi ? Mariée ou morte, n'était-elle pas perdue? Ainsi, adieu, Marianne, adieu, lui dis-je, près de la voir entrer dans cette lourde voiture, qui me semblait un cachot roulant, où je n'entrevis qu'une femme et 2 enfants par bonheur. Elle monta là-dedans, et je crus que je m'enfonçais sous la terre. La lune, qui est si souvent entre 2 amants heureux, vint jeter un éclair pâle et blanc sur ma triste maîtresse. Elle me vit de même. Sa main fiévreuse, douce et cruelle, se posa sur mon front glacé. « Priez pour moi, Léonard, dit-elle, tout près de mon oreille. Moi, je prierai. Je ne l'entendis plus. » Un gros conducteur m'enleva par le milieu du corps et me planta contre la muraille, peut-être pour que je ne fusse pas écrasé sous la voiture qui s'ébranlait et qui disparut bientôt dans les dernières ténèbres d'une nuit d'octobre et de désespoir. Souffrait-elle moins que moi? Je l'espère encore. Une âme malade gagnera toujours au mouvement des voyages. Il semble que l'on se fuit soi-même, ou du moins le bruit des roues, les arbres qui courent, reposent des idées fixes en les faisant tourner. À présent c'est tout. Le livre s'est fermé, là pour moi. Le reste n'est qu'un amas de douleurs, sans forme, sans saillie, un chaos qui n'est pas racontable. De la douleur et de la douleur, voilà l'histoire faite. La sienne se prolongea, se développa un incident qui me renvoyait des coups sourds et affreux, et qui semblait m'enfoncer dans mon gouffre, comme un bâtiment qui fait haut de toutes parts, et qui s'abîme sous le vent ou sous une surcharge imprévue. Monsieur Léonard se prit à rêver. « Et quand vous êtes revenu, mon oncle, dit la pauvre Ondine, sur son escabeau, où elle restait pâle et courageuse, comme durant une tempête. Vous voulez tout savoir, pourtant il n'y a plus rien, hélas, pas plus qu'au fond des joujoux de carton que vous brisiez pour savoir ce qui se passait dans leur tête. Demandez à présent qu'on voit ce qu'il y a. Moi, mon oncle, je suis là. Ce n'est donc pas quelque chose? Je suis quelque chose, enfin. » Monsieur Léonard lui sourit tristement et souleva, dans un rayon oblique de soleil, une des tresses dorées d'Ondine qui s'était détachée des autres. « Il n'y a que Raphaël, dit-il, qui ait su faire briller et vivre ce blond-là sur la toile. » Puis il reprit, comme s'il ne se fût pas interrompu.